بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنرى اليوم الدرس العشرين أو العشرين في شرح عمدة الأحكام on verra aujourd'hui donc le cours numéro 20 dans l'explication de عمدة الأحكام. On a fini hier le chapitre lié à Siwak. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. Babu al-Mashi al-Khuffayn. Le chapitre concernant l'effleurage sur les chaussons. Le chapitre de l'effleurage sur les chaussons. Al-Mashi al-Khuffayn thabitun bil-kitabi. Le passage ou le fait d'effleurer les chaussons a été rapporté dans le livre d'Allah, dans la Sunna, et aussi des savants qui ont cité l'unanimité. Dans le livre d'Allah, nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, famsahu bi ru'usikum wa hein? Non. Arjulakum, c'est pas une preuve pour le Mas'al al-Khufayn. Parce que si on dit Arjulakum, ça veut dire qu'on va laver. Par rapport au rasl qui a été cité avant. Donc là, ça sera Arjulikum. Nafsul ayah, le même verset avec une autre kira'a. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ila al-Ka'bayn. Et donc, alors, passez vos mains sur vos têtes et vos pieds. Jusqu'aux chevilles. قال ابن عبد البر في الاستذكار فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. Et donc il dit Ibn Abd al-Barr dans son livre l'Istidkar. Les gens du fiqh et du athar, ce qui est voulu par là, donc ce sont les hadiths. Les gens du fiqh et du hadith, il n'y a pas de divergence entre eux, que ce soit au Hijaz. Al-Hijaz, c'est où? C'est Médine et Mecca. Bil-Hijaz, ou en Irak, ou au Shem, ou les autres pays, sauf certains qui ont innovés et qui ont rejeté le fait d'effleurer les chaussons. قال الحسن البصري حدثني به 70 من الصحابه. الحسن البصري il dit 70 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté donc le fait d'effleurer les chaussons. ومشروعيه المسح على الخفين من الأدلة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج فيها. Et le fait de passer et d'effleurer les chaussons durant les ablutions, le fait que cela soit légiféré, est une preuve montrant la facilité de cette religion et le fait que il n'y a pas de difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé toute difficulté donc dans cette religion. Qui sont ceux qui ont rejeté le Mas'al al-Khufayn? Al-Rawafid aussi, ça a été rapporté de Al-Khawarij. Il a aussi été rapporté d'Al-Khawarij qu'ils ont rejeté le Mas'al al-Khufayn. Certains vont nous dire, pas, mais il a été rapporté de certains compagnons comme Aïcha et d'autres qu'ils ont rejeté le Mas'al al-Khufayn. Ibn Abbas, Aïcha. Alors à cela, on répond que, comme il a dit Ibn Abd al-Barr, que tous les compagnons dont il a été rapporté qu'ils ont rejeté le Mas'al al-Khufayn, il a aussi été rapporté d'eux, de façon authentique, qu'ils ont affirmé le Mas'al al-Khufayn. Qu'ils ont affirmé le Mas'al al-Khufayn. Et c'est pour ça que les savants ils disent que ce sujet est un sujet d'unanimité. Et ensuite, l'auteur, il nous dit, « An al-Mughira, Ibn Shu'bah قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Et donc selon le Mughira ibn Shu'bah qui dit j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un voyage. Alors je me suis baissé pour retirer ses chaussons. Il faisait ses ablutions, je me suis baissé pour retirer ses chaussons. Alors il m'a dit laisse-les car je les ai car j'y ai rentré, je les ai y rentré, c'est-à-dire mes pieds, j'y ai rentré mes pieds en état de pureté. En état de pureté. Puis il a fait le mesh, il a donc effleuré ses deux chaussons. يستفاد من هذا الحديث جواز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. Nous pouvons tirer comme leçon de ce hadith la licéité d'effleurer les chaussons au lieu de laver les pieds. وكذلك يستفاد منه اشتراط لبسهما على الطهارة. Aussi, on comprend de ce hadith le fait qu'il soit une condition d'avoir mis les pieds dans les chaussons en état de pureté. C'est-à-dire que tu as fini tes ablutions, tu as lavé tes deux pieds. À ce moment-là, donc, tu mets tes chaussons. Et à ce moment-là, tu mets tes pieds dans les chaussons, en état de pureté. Qala ibn Qudama fi al-Mughni. La na'lamu fi ishtirati taqaddumi at-taharati li jawaz al-mash khilafan. Ibn Qudama, il nous dit, dans son livre El Mourni, il dit, je ne connais pas, concernant le fait que l'état de pureté doit précéder le fait de mettre les chaussons, il dit, je ne connais pas dans ce sujet de divergence. C'est-à-dire que ça soit une obligation d'avoir mis les chaussons en état de pureté. Lakinnahu nuqila an al-imam Malik wa Daoud al-Zahiri عدم الاشتراط وهو قول ضعيف شاذ إن ثبت عنهما فإن الحديث واضح في بيان وجوب لبسهما على الطهارة. Et donc ça c'est la parole d'Ibn Qudama qui nous montre qu'il ne connaît pas de divergence dans le sujet. Cependant, il a été rapporté de l'imam Malik et de Daoud al-Zahiri que ce n'est pas une condition d'avoir mis les pieds dans les chaussons en état de pureté. Ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que tu as fait tes ablutions, tu as prié, tu as perdu tes ablutions, tu mets tes chaussons et après tu peux faire le mess dessus sans problème. Selon Malik, selon ce qui a été rapporté de l'imam Malik et donc Daoud al-Zahiri. Selon ces deux avis qui ont été rapportés d'eux. Cependant, ces deux avis sont faibles et sont contraires à ce qui a été rapporté de la grande majorité des savants, particulièrement que ce hadith est clair, montrant que c'est une condition de mettre les pieds dans les chaussons en état de pureté. En état de pureté. Bien entendu, si cela est affirmé et avéré qu'effectivement ils ont dit ça, Malik et Daoud. Car je n'ai pas dit qu'effectivement ils ont dit. J'ai dit, il a été rapporté d'eux qu'ils ont dit. On fait la distinction entre ça et ça. Quelqu'un, il met un chausson. Il fait ses ablutions. Il a froid. Il mouille un pied. Il met tout de suite après le chausson. Il mouille le deuxième pied. Et il met tout de suite après le chausson. C'est bon ou pas? Non? Je répète? Il fait ses ablutions. Il arrive au pied. Il lave le pied droit. Dès qu'il a fini de laver le pied droit, il met le chausson. Ensuite, il lave le pied gauche. Dès qu'il a fini de laver le pied gauche, il met le chausson. C'est pas bon parce qu'il n'a pas terminé encore. Voilà. Il est pas complètement... Et donc, non, il n'a pas fini. Il faut qu'il ait lavé les deux pieds. Et à ce moment-là, il met les chaussons. وذكر بعض العلماء أنه يستفاد من الحديث أن من كان لابسا للخفين فالمسح عليهما أفضل من نزعهما وغسلهما. Certains savants ont cité que On peut aussi tirer de ce hadith que la personne qui a des chaussettes, qui a mis ses chaussons en état de pureté, eh bien, il est préférable de d'effleurer les chaussons plutôt que de les retirer et de laver les pieds. Parce que souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui est préférable? J'ai mes chaussons, je les ai mis en état de pureté, ok. Mais est-ce que c'est mieux que je fasse mes ablutions ou que je fasse ou que j'effleure mes chaussons? Est-ce que c'est mieux que, excusez-moi, que je lave mes pieds ou que j'effleure mes chaussons? Les savants, ils disent, de ce hadith, on comprend que c'est mieux d'effleurer les chaussons. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, « Da'ahouma, laisse-les. » Il a préféré les laisser. « Wa kadhalika, ذكر بعض العلماء من فوائد هذا الحديث مشروعية خدمة أهل الخير والفضل. » Les savants, ils ont cité parmi les profits de ce hadith, le fait qu'il est légiféré de rendre service et qu'il est légiféré, du moins, d'être au service des gens du bien et les gens de mérite. Les savants, etc. Le fait d'aider ces gens-là. De la même façon que les compagnons, eux, ils étaient au service donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on peut le voir ici, donc, dans cet acte de l'mourira qui s'est baissé pour retirer les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني والأخير في هذا الباب فقال عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. Et ensuite l'auteur il a cité un deuxième hadith et qui est le dernier qu'il cite dans ce chapitre. Donc aujourd'hui on aura lu les deux hadiths du chapitre, mais on n'aura pas fini le chapitre parce qu'il y a aussi d'autres sujets à citer par la suite, inshallah. Et donc il nous dit l'auteur selon Hudhayfa ibn al-Yaman qui dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci a uriné puis il a fait ses ablutions et a effleuré ses deux chaussons mukhtasaran, de façon résumée. Donc ici l'auteur il précise qu'il a cité le hadith de façon résumée, il ne l'a pas cité entièrement. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية المسح على الخفين إلا أن الحديث حصل في المدينة كما ذكره العلماء مع أن الحديث الأول كان في سفر. Et donc on peut tirer de ce hadith aussi la licéité quant au fait d'effleurer les chaussons. Sauf que ce hadith, cette qissa, cette histoire s'est produite à Médine, comme l'ont cité les savants. Et le premier hadith qu'on a cité, c'était durant le voyage. فَيُفْحَمُ مِنَ الْحَدِثَيْنِ مَشْرُعِيَّةُ الْمَسْحِيَ لَالْخُفَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَدَرِ. Et donc, on comprend des deux hadiths qu'il est permis, qu'il est légiféré de faire le mesh, d'effleurer les chaussons durant le voyage, mais aussi en état de résidence. طيب مَا هِيَ مُدَّةُ الْمَسْحِ. Pendant combien de temps est-ce qu'on peut faire le mesh et effleurer les chaussons? Trois jours en voyage. Attendez. Vas-y. Trois jours en tant que voyageur et résident, 24 heures. 24 heures. Donc un jour, une nuit en tant que résident. Un jour pour le Moqim. Et trois jours pour le Moussafir. Un jour et une nuit. Avec la nuit avec. Comment? Un jour et une nuit. Avec la nuit avec. Et trois jours et trois nuits. Pour le voyageur. Bila Khilaf ? Sans divergence ? El Malikia, il voit quoi ? Non. El Malikia, elle voit le Mas. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Oui, il voit le Mas. Il voit le Mas. Al-Malikiya la yarawna tawqitan fil mesh. Al-Malikiya, il ne voit pas que le fait d'effleurer les chaussons soit délimité. Tamsah ala al-khuffayn ma lam tanza'huma aw lam takun junuban. Et donc tu peux passer sur tes chaussons, tu peux les effleurer tant que tu ne les as pas retirés ou tant que tu n'es pas en état d'impureté majeure. ça ou ça. Sinon, tu peux passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7. Et donc, Al-Jumhur, il se base sur le hadith de Ali, radiallahu anhu, dans le recueil de Sahih Muslim. Ali, radiallahu anhu, qui dit, « J'ai Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathata ayyam wa layaliya hunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. » Et donc, il dit, Ali, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé 3 jours et leur nuit pour le voyageur et 1 jour et une nuit pour le résident. Et donc, ça c'est la preuve sur laquelle s'appuie El-Jumhur, la majorité des savants. El-Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Ahmed. L'imam Malik, quel est son dalil? Il se base sur un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, fi Sunani, dans son recueil. عن أبي ابن عمارة عن أبي ابن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح ولا الخف. Et donc Ubay ibn Imara qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que j'effleure les chaussons? قال نعم. Le prophète a dit نعم. Alors il dit quoi Ubay? Il dit yawman, un jour. قال نعم. Il dit oui. Ubay repose une autre question encore. Yaumein, 2 jours. Le prophète a dit Naam. Oui. Ubay continue. Thalatha, 3 jours. Le prophète a dit Naam. Oui. Wa ma shi't, 3 jours, oui, et autant que tu veux. Dans une autre version, il a continué à poser des questions 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce qu'il arrive à Sab'an, jusqu'à ce qu'il arrive à 7. Et que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais shit, autant que tu veux. Autant que tu veux. Masihat al-Hadith. Ah. On demande déjà Masihat al-Hadith. Hada al-Hadith. في إسناده عبد الرحمن بن رازين. Dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد selon محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن selon أيوب بن قطن وكلهم مجهولون. Tous sont inconnus. Les 3 d'affilée dans la chaîne de transmission, tous sont inconnus. Da'afahu al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il a dit que ce hadith est faible. Il a dit la yasih, il n'est pas authentique. Qala al-Imam Ahmad rijaluhu la yu'rafun. L'imam Ahmed a dit les rapporteurs de ce hadith ne sont pas connus. Wa qala Ibn Abd al-Barr innahu la yathbut. Ibn Abd al-Barr, il dit que le hadith n'est pas authentique. Wa naqala an-Nawawi rahimahullah ittifaqul a'imma ala dha'fihi. An-Nawawi a cité l'unanimité des imams sur le fait que ce hadith est faible. Et subhanallah, regardez comment on fait attention. On voit quelque chose, un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la chaîne de transmission, tout de suite. Et dans la chaîne de transmission, on voit quoi? Quel est le problème dans la chaîne de transmission? Majahil. Ils sont faibles. Ils sont inconnus. C'est même pas que ces rapporteurs-là sont faibles. C'est pas qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas été critiqués. C'est qu'ils sont inconnus. Ça suffit en islam pour ne pas prendre? Oui, ça suffit. Unanimité des imams. Ils disent que c'est faible. Et donc, on doit faire attention. Aujourd'hui, je veux une fatwa, et je le dis tout le temps, et je continue de le dire. Je veux une fatwa, je vais sur Google, je tape, j'ai telle et telle chose, tatata, hop, là, Google me donne plusieurs sites, Sunna, je sais pas quoi, Science de la législation, ou je sais pas, plein de sites, plein. Tu tapes sur ton site, tu vas sur les fatwas, tu regardes les fatwas, et ensuite, pose-toi la question, qui est le responsable du site? Parfois, tu ne sais même pas si le responsable du site, c'est un musulman. Oui, il a affiché des trucs sur l'islam, mais tu ne sais même pas qui c'est. il n'a rien donné comme information sur sa propre personne. Aucune info. On va, on prend tranquillement. Et après, on entend, ah, un tel, il est parti en Syrie. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est normal. À force d'aller, de prendre comme ça, ah, une ambiguïté qui vient, et une autre. Et au final, il part. Et donc, on doit faire attention. Les savants font très attention à cela. Le fait de ne pas prendre la science des inconnus. On ne prend pas des inconnus. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique envers la personne. Mais c'est pour préserver ta religion. Quand tu dis « je ne le connais pas », tu ne l'as pas critiqué. Tu ne lui as pas fait injustice. Mais tu ne t'es pas fait injustice à toi-même. Car le fait de prendre de l'inconnu, là, tu te fais injustice à toi-même. Et donc, il faut faire attention. Je vous le rappelle, je continue, et je vais continuer, Inch'Allah ta'ala, à rappeler cela, car il y a beaucoup de négligence sur ce sujet. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite, on va arrêter là pour aujourd'hui, et Inch'Allah, demain, on va finir le chapitre. Donc, Al-Mas ala al-Khufay, wafakallahu al-jami'a, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayatumullah.